Plus, il est midi. Le 27, 28, 29 mai, l'association Léo Lagrange vous invite à son festival traditionnel, le Hainaut Belle-Bretelle, sur la Grand Place d'Erny, dans le Valenciennes. Au programme des festivités, spectacle pour enfants le samedi après-midi, suivi d'une programmation rock. Le dimanche et le lundi à partir de 12h, musette, déambulation et chansons françaises festives. Festival gratuit et non payant, restauration sur place bien évidemment. Pour plus de renseignements, bellebretelle.com. Votre attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur Radio Campus, sur campusil.com ou sur DAB+, peu nous chaud de toute façon. Vous écoutez Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités loto Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque, retenez plutôt que c'est une association d'éducation populaire, on y tient beaucoup. Avec pour vous servir Florent, maître du temps, de la pause musicale et du calendrier militant, Didier le nouvelliste, un tout nouveau, Morgane, et Christian au micro. Et de quoi parlons-nous aujourd'hui? De l'inconscient. Pas banal à attaque, hein? La psychanalyse n'est pas la tasse de thé d'une organisation comme la nôtre, je confirme. On nous en a d'ailleurs fait le reproche amical. Mais là, il faut dire que nous avons des arguments et notre invité est là pour les présenter. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton livre. Pourquoi nous voulons tuer Greta, avec ce sous-titre sans point d'interrogation, avec ce sous-titre fort, nos raisons inconscientes de détruire le monde. Le sous-titre est souvent le vrai titre du livre, non? Oui, tout à fait. Un livre assez captivant, parfaitement documenté, en ce qui concerne la partie écologique. Pour la psychanalyse, ça je ne peux pas dire. En tout cas, il nous a plu tout de suite et on le conseille aux amis. Bénédicte n'est pas une inconnue pour les militants locaux, ni pour les auditeurs, puisqu'elle est venue à Angle d'Attaque pour parler de la lutte avec d'autres qu'elle mène à Parc Saint-Sauveur pour la sauvegarde de ce qui reste de nature au cœur de l'île. À cette émission sur Parc d'ailleurs, tu nous avais proposé d'inviter Yolande pour la défense des habitants du quartier des aviateurs au Bois Saint-Sauveur, au Bois Blanc, ce que nous avons accepté évidemment. Donc à Parc comme aux aviateurs, la lutte continue, on peut déjà dire ça. Autant dire que tu es venu en ami et en camarade de lutte. Je précise que tu es universitaire. Alors, on va parler de ton livre, mais on va d'abord se poser ensemble la question, pourquoi as-tu écrit ce livre? D'abord, merci de m'inviter, en effet, non pas seulement en tant que militante, mais en tant que aussi psychanalyste et ayant quelque chose à dire sur l'articulation entre psychanalyse et écologie. Donc, c'est ce que je vais essayer de démontrer au cours de l'émission. Donc, en effet, quelles étaient mes intentions en écrivant ce livre et pourquoi finalement un livre de plus sur l'écologie? Alors, j'ai commencé à écrire ce livre parce que, en tant que psychanalyste, mais aussi militante écologiste, donc impliquée depuis plus de 20 ans dans les luttes locales à Lille, j'étais très étonnée par le fait que, depuis des années et des années, nous sommes alertés, nous sommes mis au courant de manière très claire que nous vivons un véritable désastre écologique et que ce désastre est en train de nous emporter. Et pourtant, rien ne change vraiment. Et même, on pourrait presque dire que plus nous recevons d'informations qui objectivent l'ampleur de ce qui est à l'œuvre, et ça va du réchauffement climatique à l'extinction massive des espèces, en passant par le pillage des ressources naturelles, les pollutions en tout genre, la disparition des milieux naturels, etc., ou la crise de l'eau, par exemple, et bien donc plus nous avons des informations à disposition, plus nous voyons que notre société techno-industrielle fait des ravages écologiques, et d'une certaine manière, moins nous sommes prêts à y renoncer. C'est-à-dire que les choses continuent à aller dans une sorte de fuite en avant. Et donc c'est extrêmement frappant, et d'autant plus frappant qu'avec la gestion de la pandémie de Covid, on a vu qu'au contraire, dans certains domaines, donc la gestion de cette pandémie, on était capable de mobiliser des moyens colossaux, de changer nos comportements, d'accepter des décisions politiques inimaginables, et ce dans le monde entier et à une vitesse remarquable. Donc c'est vrai que donc ma question, c'était pourquoi dans ce domaine précisément, ce domaine qui moi m'intéresse, enfin plus que m'intéresse, dans lequel je suis très très mobilisée, l'écologie, pourquoi est-ce qu'on est incapable de réagir face à un danger qui est pourtant bien plus grave en fait que la pandémie de Covid, puisqu'il menace l'ensemble de la vie sur Terre, qu'elle soit humaine ou non humaine. Et c'est là qu'il m'a semblé que la psychanalyse pouvait apporter quelque chose, avait quelque chose de singulier à dire. Parce que il me semble qu'il faut comprendre ce qui se joue psychiquement dans cette absence de réaction, et même peut-être dans le fait, donc là je vais plus loin que ceux qui disent qu'il y aurait une apathie ou un déni parce qu'on ne peut pas affronter la réalité. Moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi finalement on continue à produire le désastre alors que nous sommes conscients de ce qui se passe. Et c'est ça que, c'est là-dessus que j'ai voulu alerter aussi, enfin en tout cas attirer l'attention dans mon sous-titre. C'est sur cette dimension inconsciente, c'est-à-dire que consciemment on sait ce qui se passe, il faut arrêter de dire qu'on n'est pas au courant, en revanche inconsciemment c'est comme si on ne pouvait pas changer de direction. Et c'est là que la psychanalyse intervient, si j'ai bien compris. Exactement, et c'est là que la psychanalyse intervient, parce que la psychanalyse, évidemment, elle s'intéresse aux aspects inconscients, elle s'intéresse à ce qui vient résister du côté de l'inconscient. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les processus psychiques inconscients qui nous conduisent à ignorer des faits dont nous sommes pourtant tout à fait informés. Une question de Olivier. Oui, c'est beaucoup plus que, enfin, c'est beaucoup plus qu'un nouveau livre sur l'écologie. C'est quand même une approche originale, un paradigme qui est relativement nouveau. Enfin, même si il y a déjà eu l'école de Francfort, il y a eu Marcuse, il y a eu des penseurs comme Jacques Ellul, contre la technique. Mais là, c'est vraiment une approche nouvelle. Et en quoi la psychanalyse peut nous aider à comprendre et à interpréter l'avenir désastreux de notre société occidentale capitaliste? Oui, alors c'est vrai que la psychanalyse a une manière très particulière d'aborder le psychisme humain. Parce qu'en fait, il faut peut-être rappeler aussi que il y a des études, par exemple, en éco-psychologie. L'éco-psychologie, c'est un courant de la psychologie qui s'intéresse à nos réactions, justement, par rapport à la catastrophe écologique. Mais c'est l'éco-psychologie, et c'est ce qu'on trouve aussi chez des gens comme Pablo Servigne, par exemple, du côté des collapsologues. Ils ont quand même l'idée que l'être humain, ils ont une vision un peu naïve finalement du psychisme humain, en considérant que si on ne fait rien, c'est parce que on est trop angoissé, c'est ça qui nous empêche de réagir, et qu'il suffirait qu'on soit dans un bon contexte pour pouvoir mettre en œuvre de la solidarité, pour réagir, etc. La psychanalyse a une vision beaucoup plus sombre de l'être humain, enfin beaucoup plus sombre, moi je dirais beaucoup plus réaliste, parce qu'en fait la psychanalyse, elle articule toujours les aspects positifs et les aspects négatifs. J'y reviendrai certainement tout à l'heure. Les aspects qui vont du côté de la vie, d'Eros, de l'amour, mais aussi les aspects qui vont du côté de la destruction, de l'agressivité et de Thanatos. Et donc, on a une vision qui est pas du tout... Qui n'est pas du tout naïf de l'être humain. Et donc moi, je vais beaucoup plus loin que les hypothèses de l'éco-psychologie, par exemple, en considérant que on a peut-être un intérêt inconscient, en fait, à produire le désastre et à s'obstiner dans le désastre. Donc c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est notre production active, bien qu'inconsciente, au désastre. C'est notre complicité subjective, en fait, avec le système qui provoque cette situation. Et en ça, alors tu citais Marcuse, tu citais l'école de Francfort, en effet, donc cette école qui, à partir des années 30, va relier le marxisme et la psychanalyse, hein, c'est-à-dire une dimension systémique qui se situe donc au niveau plutôt de l'économie, et puis une dimension plus psychique, plus intime, et va articuler les deux. Mais on trouve ça aussi plus récemment avec quelqu'un comme Frédéric Lordon, hein, par exemple, qui est économiste et philosophe, mais qui, lui, vient nous interpeller sur, mais au fond, qu'est-ce qui nous rend complice du système capitaliste et qui s'intéresse aux émotions, aux affects, en fait, qui sont mobilisés chez nous par le capitalisme pour qu'on vienne, au fond, collaborer au système. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais dans le domaine de l'écologie, c'est-à-dire quels sont les affects profonds ou les fantasmes qui viennent nous agiter et qui nous rendent complices, en fait, du désastre écologique. Et on veut même tuer Greta, alors. Oui, peut-être que j'explique ce titre, qui ne va pas forcément de soi. Alors bon, j'espère que tout le monde a compris que c'était de Greta Thunberg, hein, parce que parfois on m'a dit Greta Garbo. Non, c'est pas ça la référence, c'est Greta Thunberg. Alors, ça c'est une des hypothèses que j'avance, sachant qu'il y en a plusieurs. On n'aura pas le temps de toutes les balayer aujourd'hui. Mais Greta Thunberg, c'est finalement la représentante de la génération climat. Donc c'est une jeune fille qui, très tôt, à 13-14 ans, qui va se mobiliser pour la cause climatique. Et ce qui m'avait vraiment interpellée donc en 2019, c'est que suite à ses interventions devant les députés français et puis ensuite à l'ONU, elle avait été vilipendée, mais vraiment, elle avait été... moquée, conspuée par toute une classe en fait d'éditorialistes, de puissants en fait, hein, d'hommes politiques, de leaders économiques, etc. On avait l'impression que qu'elle était absolument terrible. On l'a traitée de tyran, de Robespierre, de Pol Pot, de figure de cyborg. Alors que qu'est-ce qu'elle faisait? Simplement, elle faisait des discours très courts où elle reprenait quelques chiffres du rapport du GIEC, donc franchement, c'est pas ultra révolutionnaire, c'est pas très choquant. Et elle disait, bon voilà, on a tant de temps pour réagir. Que faites-vous, vous, les élites, par rapport à ce qui est en train de rien faire quand même. Voilà, oui. Mais bon, et donc ce qui m'avait interpellée, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent comme ça à une fille aussi jeune, qui est quand même assez inoffensive Et mon hypothèse, c'est que, alors on est tout le temps en train d'invoquer les générations futures, comme ça, il faudrait faire des choses pour les générations futures, mais au fond, que fait-on avec ces générations futures? On est en train de les sacrifier, concrètement, on sape complètement leur avenir. Et donc mon hypothèse, c'est que il faut peut-être aller regarder en face le fait que ces générations futures, peut-être qu'on n'en a rien à faire. Et c'est peut-être ça, en fait, qui s'exprimait à travers la haine vis-à-vis de Greta Thunberg. C'est qu'au fond, ces nouvelles générations, on n'en a rien à foutre. Et quand elles viennent nous rappeler qu'on pourrait peut-être se préoccuper un peu de leur avenir, il y a quelque chose qui est insupportable. Et alors ça, en psychanalyse, on a des éléments pour penser ça. Alors, c'est une forme d'Œdipe inversé, finalement. Hein, donc, la caricature un peu en psychanalyse, c'est cette idée d'Œdipe, c'est que finalement, pour grandir, on a besoin à un moment de tuer symboliquement ses parents. Mais il y a l'inverse, qui est beaucoup moins connu, mais qui est aussi théorisé par la psychanalyse, c'est que les adultes n'ont pas forcément envie de laisser leur place à ceux qui vont venir après. Il y aurait une sorte d'Œdipe inversé. Et là, je vais vous citer un psychanalyste américain qui s'appelle Harold Searles, donc qui est très, très connu dans le milieu de la psychanalyse. Et en 72, déjà, donc 72, vous vous souvenez, hein, c'est le rapport Meadows, c'est qui signale. C'est une date, oui, en effet. Voilà, c'est une date très importante. 72, c'est aussi toute la. On est en. Pendant la guerre du Vietnam, on est dans toute la revendication, enfin tout le mouvement de la contre-culture américaine. Et Harold Searles nous dit, alors, Freud a beaucoup sous-estimé combien un fils ou une fille demeure de, donc là je le lis, hein, demeure de formidables rivaux oedipiens aux yeux de leurs deux parents. Par conséquent, je pense que l'une des principales raisons de la relative apathie d'un père face à des situations qui menacent sa descendance d'extinction, qu'il s'agisse de la guerre du Vietnam ou de la pollution environnementale, et que ces situations assurent la destruction de rivaux oedipiens dont ce père n'a jamais définitivement fait la conquête. Notre haine inconsciente des générations à venir, de notre progéniture et de la progéniture de celle-ci, notre détermination vengeresse à détruire par négligence leur droit à la vie par esprit de revanche pour les privations dont nous avons souffert, à quelque niveau de notre développement que ce soit, de la part de nos parents, inclut et dépasse le conflit oedipien. Ah bah c'est violent, oui, en effet. C'est violent, hein. C'est choquant, peut-être, à écouter. Une question de Didier. Ouais, je voudrais revenir, enfin d'abord sur le côté les gens qui ont vilipendé Greta Thunberg, c'était aussi quelqu'un comme Michel Onfray, je crois, Luc Ferry, tu peux en ajouter quelques-uns qui se sont quand même un peu lâchés dans le lynchage, si je peux dire. Mais je voulais demander, bon, il y a bien évidemment cette question de l'Oedipe inversé, c'est quand même le chapitre le qui sera le plus controversé du livre, je suppose. C'est plus le meurtre du père, là, c'est le meurtre des fils, oui, et des filles, quoi. C'est, oui, pas par le père et par les mères. Et je voulais dire aussi que, d'un point de vue militant, enfin, on a l'habitude quand même d'être assez positif et rationnel. Alors que là, tu évoques quand même des zones d'ombre chez l'humain, le côté sombre. Et c'est quand même une perspective qui est très nouvelle. Et je crois qu'on doit beaucoup, enfin, on devrait, en tout cas, dans les milieux militants, s'inspirer aussi de ces travaux. Qu'est-ce que tu penses justement de ce côté un peu sombre, un peu justement qui peut aller à l'encontre de ce qu'on estime être le positif, le rationnel? Bah, moi, c'est pour ça que j'aime bien la psychanalyse, hein. C'est que justement, ça évite cette naïveté qu'on rencontre dans les milieux militants où finalement, très souvent, on ne veut pas regarder en face sa propre violence, son propre côté sombre. Et là, en effet, c'est très dérangeant. Tu dis que c'est le chapitre le plus controversé du livre. Certainement. Alors, c'est marrant parce que depuis qu'il est sorti, là, je reçois souvent des... Enfin, on me dit souvent que c'est en effet une hypothèse choquante, mais qu'en même temps, ça évoque plein de choses aux gens qui lisent ça. C'est comme si je posais des mots sur quelque chose dont on peut être quand même conscient intérieurement. Alors, ce sont des choses qu'on observe, par exemple, dans la clinique. Par exemple, moi, des patients ou des patientes qui disent à quel point, au fond, ça les emmerde de voir leurs enfants grandir, même s'ils les aiment beaucoup. Mmh. Parce qu'à 18 ans, 20 ans, on a l'impression qu'ils vont bientôt prendre notre place. Qu'ils vont à leur tour avoir des enfants et quelque part nous-mêmes, à des moments où on est en train d'être confrontés au vieillissement, à la perte de certaines capacités, peut-être de nos places aussi. Voilà, donc je pense que c'est une hypothèse qui est quand même... c'est important de regarder en face ces hypothèses-là. Mais il faut se dire que dans les traditions, dans les différentes formes de sagesse, on parle de ça aussi quand on regarde le mythe de Cronos, par exemple. Cronos, il mange ses enfants. Et pourquoi il mange ses enfants? Parce qu'il a peur, justement, finalement, la prophétie dit qu'un de ses enfants prendra sa place. Mmh. Mais ce qui, en même temps, est tout à fait normal, finalement, que nos enfants prennent notre place. Mais Cronos va les manger. Quand on regarde... Blanche-Neige, ça a l'air d'être une petite histoire comme ça, un peu gentille avec les sept nains, finalement ça se termine bien, mais dans Blanche-Neige, on a quand même la marâtre. Alors la marâtre, qu'est-ce que c'est en psychanalyse? On pourrait dire que c'est la mauvaise mère, hein. C'est-à-dire que Blanche-Neige, elle a une bonne mère qui est morte, et puis la mauvaise mère, c'est la marâtre, mais finalement on pourrait dire que ce sont les deux facettes de ce que peut être la mère, et cette marâtre, elle veut rester la plus belle. Et c'est quand son miroir lui dit que finalement c'est Blanche-Neige qui a 7 ou 8 ans qui est devenue la plus belle, c'est là qu'elle demande à ce qu'on tue Blanche-Neige, parce qu'elle ne veut absolument pas perdre sa place pour cet enfant. Donc finalement, je dirais que la psychanalyse vient formaliser en effet ce côté sombre de l'être humain qui existe et qui nous agit finalement. Mais on retrouve ça aussi dans plein de traditions. Mais tout ça, ça va un peu à l'encontre d'un certain humanisme, disons au sens anthropologique, où on dit que les parents sont bienveillants avec les enfants, qu'on veut le bonheur des générations futures, etc. Quoi. Moi, je suis très réservé sur ce que tu viens de dire, Didier. Je fais appel des gens bien, quand même, comme Madame Badinter, avec l'amour en plus. Elle expliquait que les aristocrates laissaient leurs gosses chez les paysans. Ils n'en avaient rien à foutre jusqu'à 5 ou 6 ans. Et puis, c'était les deux premiers. Ou la première et le second, enfin des choses comme ça. Mm-hmm. Les autres, les multiples autres, on s'en fout complètement. Hein. C'est pas le problème. Donc l'aîné deviendra militaire, et voilà, et le second deviendra curé, à peu de choses près. Et donc je pense qu'on date là très fort ce que oui, tu dis. Tout à fait. C'est-à-dire que en fait, moi je m'intéresse à ce qui se passe là maintenant. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche finalement de réagir face aux désastres écologiques? Et donc une hypothèse, c'est en effet notre rapport qui n'est pas forcément bienveillant à ces enfants, ces générations futures que pour autant on est toujours en train de mobiliser. Donc c'est vrai que je rejoins ce que disait Didier, dans les milieux militants notamment, on est tout le temps en train d'invoquer ces générations à venir qu'il faudrait préserver, mais ça nous empêche peut-être de regarder qu'au fond, Non, on a certainement pas forcément une bienveillance tant que ça pour ces générations à venir. Et donc il faut étudier ça dans le contexte actuel. Mais tu as raison, Christian, que ça n'a pas toujours été le cas. Mmh. Hein, c'est l'ambivalence qui est intéressante. Voilà, c'est une ambivalence qui est intéressante et qu'il faut peut-être quand même aller regarder, qui peut se manifester dans ce après moi le déluge ou dans ce qu'on entend souvent de certaines générations quand même un peu plus âgées que nous qui vont dire c'est vous qui vous occuperez de ça. Moi, tant que je peux continuer à bénéficier de mes petites jouissances, de la société de consommation, etc., je ne vais pas forcément changer mes habitudes. Morgane ? Oui, je me disais, il y a peut-être aussi une question de classe, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, ceux qui vont avoir des leviers pour faire changer les choses ou pour appuyer sur les sociétés, je pense aux Bolloré, aux Arnaud, etc., c'est peut-être aussi eux qui ont intérêt à maintenir une société de consommation, qui ont intérêt à continuer des projets d'écocide, clairement, à balayer sous le tapis la question des générations futures, en fait. Enfin... Oui, mais ça, c'est ce qu'on entend partout. C'est-à-dire, évidemment, que ça c'est l'hypothèse politico-économico-politique, finalement. Hein. Eux, ils ont intérêt vraiment consciemment, en fait, à maintenir le système. Je nie pas du tout ce niveau d'analyse, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est notre responsabilité à nous, petites gens. Enfin, voilà, on n'est pas des Bolloré, on n'est pas des Arnaud, etc. Mais. On a peut-être, nous aussi, des intérêts à maintenir le système, des intérêts inconscients. Donc moi, j'essaie d'éclairer ça, en fait. Hein ? Et cette hypothèse des générations futures, c'est sûr que n'importe qui, dans les militants, là, ou dans les gens qu'on connaît, vont nous dire « Ah ouais, les générations futures, non, c'est super important. » Mais au fond, c'est quoi notre rapport réel et inconscient aux générations futures ? Voilà. Donc c'est vrai que moi, mon point de vue, et il n'y a pas que cette hypothèse-là, je pense qu'on va en regarder d'autres, mais c'est vraiment, n'oublions pas notre responsabilité aussi à nous dans ce qui se passe et dans le fait qu'au fond, le système... Peut-être qu'il nous convient bien comme ça, malgré tout. On va aborder justement un autre point qui est effectivement le comportement humain qu'a abordé un peu Morgane là tout de suite, avec des grands mots comme Bolloré et autres. Mais c'est-à-dire que la question c'est, on a parlé de la descendance, bon, il y a une attitude ambivalente des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et ça, de ce côté-là, ton livre est tout à fait intéressant, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. Et il y a aussi, la nature qui est un petit peu envahissante quand même. Et donc, comme militante écolo, je suppose que là, et psychanalyste, justement, il y a quand même matière à discuter. Oui. Alors c'est vrai que ça, c'est une autre hypothèse que je fais, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer que la nature, voilà, c'est un peu la bonne mère et que ça nous fait du bien d'être dans la nature, etc. Moi, mon hypothèse, c'est qu'au fond, on a peut-être un fantasme, enfin une peur très profonde en fait dans notre culture, une peur très profonde de la nature. Alors déjà, si on regarde dans la psychanalyse, pour Freud, en fait, alors la nature, ce sont à la fois les forces toutes puissantes en fait du monde extérieur hein, qui provoquent des déluges, qui provoquent des ouragans, qui provoquent et puis la nature, c'est aussi notre corps biologique souffrant et mortel. Hein. Et face à ça, finalement, Freud nous dit que cette nature, elle nous ramène toujours à quelque chose qui est très propre à l'espèce humaine, c'est cet état de détresse absolue de l'enfant quand il naît. C'est-à-dire, en tant que nourrisson, on est totalement dépendant en fait, des adultes qui vont s'occuper de nous ou pas. Et ça nous met dans un état de détresse très profonde. Et pour Freud, finalement, tout le travail culturel et civilisationnel dans notre culture, ça a été d'essayer de lutter contre ce sentiment de détresse. Et chez nous, ça s'est manifesté justement par le développement alors d'abord des religions, mais après de la technologie et de la science qui finalement ont pris le relais des religions. Mais cette peur profonde de la nature qui nous renvoie justement à cet état de détresse, on peut faire l'hypothèse qu'il est toujours là et qu'il est toujours très agissant. Qu'est-ce que c'est que la nature au fond? C'est ce qui fonctionne sans nous. C'est par exemple, ce sont des espaces qui fonctionnent sans l'homme. C'est le vent qui souffle où il veut. C'est le ciel étoilé. C'est la mer avec ses flux, ses reflux, etc. Finalement, la nature, c'est ce qui existe sans nous. Et donc, ça nous renvoie toujours à notre propre insignifiance. C'est-à-dire, quand on est dans la nature, finalement, ce que ça nous renvoie, c'est que c'est un monde qui n'a pas besoin de nous. Donc déjà, c'est une claque à notre narcissisme. Mais on peut aller plus loin, parce que la nature, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce qui naît, hein, natura, c'est ce qui naît. Et donc, ça signifie proprement l'action de faire naître. Et ce qui caractérise la nature, c'est d'abord son côté vivant, c'est son autonomie, c'est sa capacité justement à naître et à se développer en dehors de notre contrôle. Et donc mon hypothèse, c'est que cette autonomie du vivant, cette imprévisibilité, c'est ça qui nous fait profondément peur dans la nature. Et c'est ça qui génère en fait une angoisse insupportable et qui va nous conduire à vouloir maîtriser la nature et donc supprimer ce qui est nature en elle. On peut donner des exemples. Hein. Alors, il y a des exemples un peu spectaculaires. Par exemple, la science-fiction horrifique comme Alien, par exemple. C'est un film que tout le monde connaît. Moi, j'analyse Alien comme un film qui met en scène la peur que provoque en nous l'autonomie du vivant. Et le fait que le vivant peut se développer de manière imprévisible et singulière, puisque vous connaissez l'intrigue, hein, dans Alien, c'est un vaisseau spatial avec un équipage qui va lutter pour essayer de se débarrasser d'une créature meurtrière qui se dissimule dans leur corps même et qui se nourrit de leur vie pour se développer. Bon, pour moi, c'est finalement une mise en scène très claire de la peur du vivant et la peur de l'autonomie du vivant. C'est assez spectaculaire, mais on peut évoquer des expériences beaucoup plus subtiles et beaucoup moins trash, comme une balade en forêt. Hein. On se balade tout seul dans la forêt, c'est sympa, il fait beau, on entend les oiseaux, on se dit que c'est le printemps, il y a une belle lumière. Et parfois, il suffit d'un truc, un changement, un craquement, la lumière qui change, on sent une goutte de pluie, le silence, on arrive à un endroit où il y a du silence et d'un seul coup on peut se sentir angoissé et le côté bucolique de la nature disparaît complètement et renvoie justement à des angoisses, à quelque chose de beaucoup plus étrange et effrayant. Et je pense que c'est là que ce qui vient nous rattraper, c'est cette peur profonde en fait de la nature. Une question de Didier. Non, il y a un film qui est exemplaire de tout ce que tu viens de dire, c'est le Délivrance de John Boorman. Je ne sais pas si tu connais. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que la nature se retourne contre justement les gens qui sont présents dans le film, et c'est assez terrifiant. Oui. Donc là, tu veux nous dire que la nature nous angoisse dans sa prolifération, dans son côté. Et que nous, on a envie de la contrôler, de la dominer. Et de l'éradiquer. Et de l'éradiquer. Et même de prendre, de prendre en main sa fertilité. Et ça, c'est une partie du livre sur laquelle je me suis pas mal amusée, qui m'a vraiment, vraiment intéressée. C'est de retracer tout le processus en fait, de l'agriculture moderne qui arrive finalement jusqu'à une dépossession, une division complète entre la production et la reproduction. Puisque la reproduction, en fait, aux mains des semenciers, des grandes multinationales, etc., est la production qui est laissée aux agriculteurs, alors que traditionnellement, pendant des millénaires, ça a toujours été relié. Et que, alors certes, il y a des intérêts économiques, et ça rejoint la question de Morgane tout à l'heure. Oui, il y a des intérêts économiques là-dedans. Évidemment, les multinationales, Bayer, etc., ils ont Syngenta, ils ont intérêt à être maîtres de la reproduction. Mais une question, c'est pourquoi est-ce qu'au fond, on leur a laissé sans trop s'indigner, pourquoi est-ce qu'on leur a laissé s'accaparer la reproduction? Moi, mon hypothèse, c'est que ça nous arrange bien, parce que justement, la reproduction, la capacité de la nature à se reproduire, c'est quelque chose qui nous angoisse absolument, et que ça nous arrange bien que certains s'arrogent en fait le droit d'être les maîtres de la reproduction et nous disent, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, donc production, donc semences hybrides, en fait, elles peuvent pas vraiment se reproduire, en tout cas, il faut les racheter chaque année, etc. Les OGM, c'est nous qui contrôlons en fait les gènes, l'expression des gènes, et donc c'est nous qui contrôlons la manière dont la nature est censée se reproduire. on va tuer tout ce qui n'est pas autorisé à vivre avec les pesticides, etc., qui sont produits en fait par les mêmes qui produisent les semences, les OGM, etc. Et quelque part, je pense que ça nous arrange de penser que tout ça, c'est sous contrôle et qu'on ne va pas être débordé par cette nature envahissante. Et donc, en fait, qu'on va tuer ce qui est vivant dans la nature et donc on va tuer la nature, puisque la nature, c'est natura. Donc, si on s'attaque à sa fertilité, forcément, on éradique la nature elle-même, quoi. Alors, natura, je vais quand même dire Deus sive natura. Hein, moi, je suis plutôt du côté de Spinoza. Et donc, là, là encore, ça, tu dates vraiment, ton livre est daté. C'est pas un reproche du tout, hein, bien au contraire. Mais effectivement, si Ludovic avait été là, il t'aurait parlé des hachoirs et donc d'Escola, qui dit effectivement, il y a toute une partie pas la plus grande partie, de la société qui vit avec la nature et complètement dépendante et en harmonie. Par-delà la culture, la nature, c'est effectivement le fait que la culture n'existe pas chez les hachoirs. Donc ils vivent dedans, dans cette nature. Et donc ils ne sont pas du tout opposés à la nature. Donc là aussi, c'est intéressant. Et si j'ai parlé de Spinoza, parce que généralement, c'est bien le point de départ, on en avait convenu lorsqu'on préparait l'émission, que c'était un peu Descartes, le rationalisme, et puis l'homme tout-puissant vis-à-vis de la nature, la religion catholique qui est pour beaucoup, d'ailleurs, dans cette affaire. Hein, et justement, est-ce qu'on ne commence pas à comprendre un petit peu, est-ce qu'il y a toute une frange de la population qui réfléchit un petit peu sur cette question-là maintenant? Est-ce qu'ils sont entendables? Ça, je ne suis pas encore certain. Mais il y a quand même toute une partie, des écolos, évidemment, mais des gens qui résistent à ce fait que la nature... On parle de biodiversité, c'était un mot qui n'existait pas il y a 5 ans, je crois. Mmh. Et donc, ce qui veut dire que les choses évoluent quand même, quoi. Même si, d'accord avec toi, je pense que la nature, on est en train de l'éradiquer, de la détruire, tout simplement. Enfin, et dans le milieu paysan, c'est plus qu'ailleurs. Oui. Quitte à justement, enfin, j'ai entendu un reportage remarquable, un paysan américain qui pleurait parce que sa terre ne peut plus rien rendre à force d'avoir été exploitée. Elles sont mortes. Ce sont des terres mortes. Ouais. Oui. Didier. Ouais, non, tu as parlé donc de Thanatos, de la pulsion de mort, on dit aussi Mortido des fois. Est-ce que justement par rapport à des auteurs comme Jacques Ellul, enfin des critiques de la technique comme Ivan Illich aussi, justement tu remets en question le progrès technique et pour pas dire la science, quoi, en tout cas la technologie. Donc c'est une approche qui est quand même assez marginale, enfin, même s'il y a des sites comme PMO, etc., qui reprennent un peu ça. Est-ce que tu peux développer un peu ce point? Oui, alors je vais répondre à ce point qui est très important, juste pour finir par rapport à ce que disait Christian sur les milieux écologistes. Par exemple, les milieux écologistes, sur ce rapport à la nature, moi j'étais très frappée pendant le Covid, là, pendant qu'on était confinés, que... dans les milieux écolos circule la soi-disant bonne nouvelle de canards qui se baladaient devant la Comédie Française ou d'un renard, une famille de renards qui était apparue au cimetière du Père-Lachaise. Mmh. Et ça véhiculait l'idée que finalement, il suffisait que l'homme se mette un peu en retrait pour que ça y est, la nature se redéveloppe. Et c'était présenté comme quelque chose de positif en fait dans les milieux écolos, alors que je trouvais ça finalement, ça venait plutôt alimenter ce fantasme que la nature est tellement puissante, tellement forte qu'il suffit qu'on se mette un peu en retrait pour qu'elle se redéveloppe et quelque part qu'elle réenvahisse tout. Mmh. Et je trouvais que c'était très maladroit en fait, parce que dès qu'on pense que la nature va se relever, in fine qu'elle va se relever, en fait on est complètement à côté de la plaque. Et non seulement ça vient renforcer ce fantasme qu'on a, mais ça nous conduit à ne pas du tout prendre acte de sa nature fragile et du fait qu'il faut peut-être qu'on la protège. Oui, alors, excuse-moi, oui, parce que moi je fais mon malin, je parle latin, mais j'oublie de traduire, hein, Deus sive natura, c'est Dieu, autrement dit la nature, oui. Chez Spinoza. Mmh. Oui. Alors maintenant, j'aborde la question de... La technique. Voilà, que tu viens de poser, Didier, sur la technique. Et dans les deux cas, d'ailleurs, on voit bien, oui, mon livre est situé il est daté et situé. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est notre rapport à la nature dans notre culture occidentale, qui en effet a très peu de, enfin, qui se considère comme dissociée de la nature et qui se considère notamment comme dissociée de la nature à partir du moment où émerge la science. La technique et après le monde industriel qui va avoir un rapport extrêmement d'exploitation en fait de la nature. Et mon hypothèse c'est que dans le domaine de notre rapport à la nature, la pulsion de mort, alors je vais expliquer ce que c'est que la pulsion de mort, mais peut se développer librement parce que justement dans notre culture techno-industrielle, on a la science et la technologie comme bon objet face au mauvais objet qu'est la nature. Et donc, on n'a pas de limite culturelle posée à la destruction de la nature. Alors, qu'est-ce que c'est que la pulsion de mort? Ça, c'est un concept très freudien. C'est-à-dire que pour Freud, c'est là, justement, je reviens à ce qu'on disait en début d'émission, c'est de ne pas avoir de naïveté. C'est-à-dire pour Freud, il y a vraiment la pulsion de mort et la pulsion de vie qui sont tout le temps intriquées chez l'être humain. La pulsion de mort qui est du côté du lien, de l'amour, de la vie, de la joie, etc., de la créativité, et la pulsion de mort qui est du côté de la destruction, de la déliaison, de l'agression, etc. Et pour Freud, ces pulsions-là, elles sont toujours intriquées chez l'être humain. On ne peut pas faire avec l'une sans avoir aussi toujours affaire à l'autre. Alors, dans le domaine de notre rapport à l'autre, là, on a un certain nombre de tabous dans nos sociétés, par exemple les 10 commandements qui sont quand même encore, enfin, très agissants, où on a des règles sociales qui font que on fait, quelque part, on civilise un peu la pulsion de mort dans le domaine du rapport à l'autre. Mais dans le domaine du rapport à la nature, il n'y a rien qui nous empêche, en fait, de détruire la nature. Et donc, mon hypothèse, c'est que comme la science et la technologie sont le bon objet dans notre culture par essence, hein, eh bien, ça nous a empêchés de voir que là aussi, la pulsion de mort était à l'œuvre dans tout ce qui amène à détruire la nature au nom de la science, de la technique, du progrès, etc. Et donc que, bah, du coup, la pulsion de mort, elle se déchaîne sans aucune limite. Et c'est ce qui aboutit la catastrophe environnementale, c'est ce qui aboutit à ce qu'on fasse des coupes rases de forêt, à ce que, je sais pas, l'industrie minière, par exemple, quand on voit l'état dans lequel sont mis et sont laissés, en fait, les milieux naturels, c'est absolument désastreux. Quand on voit, je sais pas, qu'on va aller exploiter, une carrière à coup d'explosifs, quand on voit que, quand on fait les autoroutes, enfin, toutes les voies, finalement, tout ce que ça implique de destruction dingue, en fait, sur la nature, on n'a rien dans notre culture qui vient nous signaler que derrière ça, il y a quand même la pulsion de mort qui est agissante. Voilà. Alors, on s'en rappelle quand, en fait, on s'en rappelle, et en général, on fait tout pour l'effacer, quand il y a des accidents industriels, par exemple, hein, où là, on voit justement la puissance de ravage, en fait, de cette techno-industrie. On voit ça dans le nucléaire, par exemple. Donc là, on est en train d'oublier, on nous présente le nucléaire. Ça, c'est la grande fable. C'est assez dingue, quand même, ce retournement, le nucléaire comme la solution. Voilà. Mais le nucléaire, c'est quand même une industrie qui est... Enfin, qui fait des ravages incroyables et qui va polluer, mais à mort pendant 100 000 ans. Donc, c'est. Voilà. Mais on ne veut pas regarder ça. Hein. Donc, l'intrication entre la pulsion de vie et la pulsion de mort qui est à l'œuvre dans la technique et la science. Et comme on ne veut pas voir ça, eh bien, on est toujours dans ce discours de la science et de la technique qui sont du côté du progrès, y compris à gauche, y compris. Et c'est là qu'on a un clivage, en fait, chez les écolos, mais pas que chez les écolos. Ouais. Enfin. Voilà, on a une tradition de gauche quand même de voir, de décrire la science et la technique comme un progrès, quoi, et d'avoir toujours ce mot de progrès à la bouche. Mais derrière le progrès, très souvent, il y a autre chose aussi. Il y a justement la pulsion de mort qui œuvre. Le productivisme, justement. Hein, le productivisme, l'exploitation. Qui est la surdétermination du capitalisme, quand même. Oui, bien sûr, hein. Bien sûr. Il ne faut pas oublier non plus. Un très bel exemple de ce que tu dis. On cache les déchets nucléaires à 500 mètres sous terre, à Bure. C'est absolument scandaleux. Ouais. Didier. Non, quand tu dis qu'il n'y a rien qui protège la nature, il y a quand même des mouvements écologiques qui sont de plus en plus puissants et radicaux, on va dire. Et il y a aussi... des normes environnementales que Macron commence à, d'ailleurs. L'écologie, ça commence à bien faire. Il y a un peu ce côté-là. Enfin, il y a quand même de plus en plus, depuis quand même quelques années, des choses qui sont mises en place pour la protéger. Non, c'est pas ton avis. Non, mais moi, je trouve ça... Alors là, c'est plus la militante qui parle, mais je trouve ça... Bah, regarde ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'est-à-dire, on est quand même face à une cause... face à une cause qui est majeure, enfin qui est légitime, et quand on voit la violence qui s'est déchaînée contre les militants, ça a été terrible. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à voir ça toujours sous mon prisme, c'est-à-dire c'est comme si plus le désastre était sous nos yeux et quelque part moins on voulait vraiment en tenir compte en fait. Donc je suis pas très optimiste en fait. Oui, c'est ce qu'on avait compris. Quand même. Ça ne m'empêche pas de m'engager, hein, au contraire. Oui, ben c'est ça la question. C'est qu'effectivement, ce que tu nous dis, c'est que on est notre ambivalence, on est vulnérable, on est conscient, mais inconsciemment, on continue de faire. Voilà, c'est tout ce que nous dit. Mais tu nous dis aussi que tu n'es pas forcément très optimiste, mais qu'il faut prendre part aux luttes. C'est ça le message ou... Je pense que il faut pas prendre part aux luttes avec de l'espoir, hein, parce que l'espoir, en fait, ça retombe très souvent. Enfin, ça fait vraiment partie du parcours du militant d'avoir l'espoir régulièrement douché. Donc, il ne faut pas agir pour l'espoir, il faut agir parce qu'on pense qu'à un moment, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Et je trouve que militer en étant assez au clair sur. En n'ayant pas des attentes extraordinaires, en pouvant accepter justement ce côté sombre et ce côté obscur et en même temps lumineux de l'être humain et de soi-même et qu'on va aussi chez nos camarades, je trouve que ça permet peut-être d'agir de manière plus plus juste, alors entre guillemets, hein, mais plus lucide peut-être. Peut-être plus lucide, voilà, en n'ayant pas trop d'attentes, mais en sachant que ce qu'on fait, on le fait parce qu'il faut le faire, et puis en repérant aussi tous les faux discours, justement. Alors moi, je les entends beaucoup mieux maintenant que j'ai travaillé sur ce bouquin, tous les faux discours dans les milieux militants, par exemple, il faut absolument sauver les générations futures. Bon, attends, déjà, regarde un peu l'ambivalence que tu peux avoir face aux générations futures, ou le discours qu'on peut entendre qui est il faut informer, les gens sont pas assez informés. Non, c'est pas que les gens sont pas assez informés, c'est que il y a d'autres phénomènes inconscients qui font qu'ils n'ont pas envie de tenir compte de ceux dont ils sont informés. Donc voilà, moi, mon approche, il me semble qu'elle permet déjà d'éviter d'avoir de faux espoirs là où il faut pas en avoir. D'être très prudent sur la question du progrès, justement, puisque, comme je le disais, derrière le progrès, il y a aussi la pulsion de mort qui est à l'œuvre, et de faire attention dès que je l'entends. Et je trouve que chez les militants de gauche, c'est un mot qu'on continue d'entendre beaucoup trop, je trouve. En même temps, le progrès a permis, le scientifique en tout cas, a permis de prolonger la vie, ou alors c'est peut-être pas très utile de prolonger la vie. C'est peut-être le pendant de la pulsion de vie. Et... Oui. Oui. C'est ça. C'est pas oublier, en fait, finalement, peut-être l'enseignement de la psychanalyse, c'est de pas oublier toujours cette intrication, voilà, en fait, du positif et du négatif, de la pulsion de mort et de la pulsion de vie, de toute cette ambivalence qu'on peut avoir vis-à-vis de nos descendants. Enfin, voilà, c'est sur ça que ça nous alerte, je pense. Une question de Morgane. Mais, j'allais dire, le discours scientifique, c'est aussi celui qui permet de décrire avec précision ce qui va nous arriver au niveau du réchauffement climatique, en fait, de mesurer. Enfin bon, on parle du rapport du GIEC. Bah, le GIEC, c'est quoi? C'est quand même plusieurs milliers de scientifiques qui font leurs observations et qui sont d'accord sur les trajectoires à venir. On parle par exemple, je pense par exemple à Aurélien Barraud, que je crois qu'il est astrophysicien, qui a un discours quand même très très critique et très virulent par rapport aux sociétés industrielles. Certes, Jean-Marc Jancovici a des propos pro-nucléaire, mais il est aussi capable de dire, quand on lui pose des questions sur la décroissance, il dit la décroissance, je la souhaite pas forcément, comme je ne souhaite pas vieillir, mais ça veut dire qu'à un moment ou un autre, va falloir s'y résoudre si on veut continuer à survivre, en fait. Oui, effectivement. Donc la science, là aussi, ambivalence vis-à-vis de la science. Oui, c'est ça, ambivalence. Hein. C'est-à-dire, comme tu le rappelles, la science, c'est ce qui nous permet d'objectiver. C'est aussi une certaine démarche de pensée par rapport au monde. Mais il y a aussi un côté obscur de la science dont il faut absolument avoir conscience. Un mot de conclusion, peut-être. Un mot de conclusion, bah, peut-être lisez mon livre et puis... on vous le conseille. Et puis continuons à militer aussi ensemble. Hein, c'est-à-dire on peut à la fois lire et militer, au contraire même. Je pense que c'est bien que l'un puisse nourrir l'autre. Et merci beaucoup à vous de m'avoir invité parce que je trouve que c'est pas forcément évident de parler de ces sujets-là. Et voilà, je trouve très courageux en fait de parler de psychanalyse. Alors que vous êtes quand même à attaque, vous êtes quand même plutôt sur des problématiques sociales et économiques, donc je trouve que c'est intéressant que vous m'ayez donné l'occasion de relier les deux. C'est voilà. Ton livre qui nous a convaincus, Bénédicte. Merci. Merci. Être sérieux quand on a 17 ans, avoir au fond des yeux des orages de printemps. Aux nations désunies, quand s'élève sa voix, le monde écoute petit la colère de Greta. Pour l'ours blanc qui meurt sur son bout de banquise, la forêt qui a peur du feu de la bêtise. Pour les terres asséchées comme le cœur des États, de larmes et de beauté, la colère de Greta. De ses rêves volés à son temps de l'enfance, de l'époque abîmée au nom de la croissance. Elle a fait de sa vie si petite un combat, jamais aucun répit, la colère de Greta. Ce monde à genoux au fleuve de douleur, elle se tient là debout dans le vent des fureurs. Tant de creuses promesses aux années de débat, le sang de la jeunesse, la colère de Greta. Arrogante, Asperger, sale gamine hystérique, ultra-conservateur et climato-sceptique, voudrait-on la faire taire, elle s'en fout, elle se bat, rien jamais ne tempère la colère de Greta. Et donc, c'était La colère de Greta de Éric Frasiac. Et donc, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 et c'est l'émission Angle d'attaque. Et on passe à la suite avec l'agenda. Les actualités d'attaque. Les actus d'attaque. Et les actus d'attaque, ça commence par le national, comme d'hab, mais peu de choses, mais des choses fort intéressantes. C'est le printemps, c'est l'occasion des assemblées générales annuelles et le CAC 40 annonce de nouveaux records de profits et de dividendes que ça en devient une habitude. L'argent des autres n'a jamais fait le bonheur des autres. L'argent des uns n'a jamais fait le bonheur des autres, nous disait Pierre Dac. Eh bien justement, avec l'Observatoire des multinationales, Attac publie Super Profiteur, un nouveau livre qui démonte le mécanisme des super profits et les travers économiques, sociaux et écologiques des grands groupes français. Super Profiteur sera en librairie le 24 mai. Au local, tout de suite, Eh bien, le 15 mai, à l'aéroport de Léquin, à pied ou à vélo, 400 personnes disent non à son extension. 300 marcheurs de Fretin et Léquin, une centaine de cyclistes ont convergé vers l'aéroport de Léquin. Cette manif a eu lieu dans le cadre de la semaine de mobilisation nationale contre les nuisances aériennes. Internationale. Initiative locale, pardon. Internationale même. Ah oui, complètement internationale, oui, t'as raison. C'est vrai. Mais pourquoi j'ai écrit national, moi ? Ah, mais si, je sais pourquoi. Mais je ne le dirai pas. À l'initiative locale, c'est évidemment l'association NADA, dont ATTAC est membre, qui a impulsé une énième manifestation contre l'extension de l'aéroport. Le cortège s'est posté sur une butte face à l'aérodrome sous bonne garde policière. Oui, effectivement, il faut se rappeler que depuis avril, les opposants au projet sont dans le collimateur du ministère de l'Intérieur et sont placés sous surveillance anti-ZAD, en raison d'un risque de radicalisation, bien entendu, à court terme, de la contestation. Jusqu'où ira Darmanin dans la répression ? Marine Le Pen, peut-être ? La manifestation déclarée en préfecture est festive et familiale, nous a dit Charlène Fleury, porte-parole de NADA et membre d'ATTAC. Dans les rangs des contestateurs, il y avait des gens aussi dangereux que des gens qui habitent près de l'aéroport, des riverains, des élus locaux, des écologistes, des associations. Bref, c'était la fête. Les trois ATTAC de la métropole vont se réunir le 25 mai au Polder pour préparer la réunion des adhérents pour préparer le 25e anniversaire d'ATTAC. Il y a quelque chose de musical dedans, Didier, non ? Il y a quelque chose de musical dans le... C'est pour nos droits et libertés, donc organisons-la et faites du bruit. Donc c'est dans le cadre de la manifestation du 6 juin, donc, à l'appel de l'intersyndicale. Oui. Il a été décidé, donc, bon, puisque les fins de manif sont souvent un peu foireuses, enfin, on a des gaz lacrymo, on a des canons à eau maintenant, donc, il a été décidé on ne se sépare pas et on a organisé des temps musicaux avec des artistes et la LDH, des concerts avec prise de parole, bref, de la LDH, des organisations de l'intersyndicale participant au projet. Donc les arguments, c'est d'amener plus de monde en utilisant des groupes, des concerts comme bonus, finir les rassemblements dans la joie et éviter les dérapages, et montrer que le mouvement social est solide et qu'il garde le moral. Donc ouais. on aura dans ce cadre, donc après le concert, après la manifestation du 6 juin, on aura des groupes comme Marcel et son orchestre, HK et les Saltimbanques, les Fatal Picard, tout ça, ça devrait s'organiser à Saint-Sauveur. Ouais. Et ça commencerait, enfin, ça serait en gros entre 18h et 22h. Tous les artistes du vivant ou du pas vivant, d'ailleurs, sont invités à cette grande fête lancée par la LDH. Une grande nouvelle contre l'arbitraire le 19 mai, saisie en référé par la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France et l'Association des défenses de liberté constitutionnelle, la DELICO, le tribunal administratif de Lille vient de déclarer illégal le fichage par plusieurs parquets de manifestants gardés à vue après des manifestations contre la réforme des retraites. Taper dans une casserole, il va de soi que c'est un geste très dangereux pour la société. Une pétition de Greenpeace, des fonds, ben on parlait de la destruction des fonds marins avec Bénédicte tout à l'heure, des fonds de la destruction de la nature, ben voilà, des fonds marins labourés, des espaces marines et des écosystèmes fantastiques menacés, le dérèglement du climat encore aggravé, c'est la menace qui place sur nos écosystèmes. Si l'exploitation minière en eau profonde est autorisée, plus de 600 scientifiques, évidemment, et de nombreux États se sont déclarés contre, dont la France. Et pourtant, les États miniers et industriels sont sur les dents. Ils vont tout faire pour obtenir un code minier international qui leur donne le droit de débuter l'exploitation commerciale des fonds marins à l'été 2023. Au moins un moratoire est réclamé par Greenpeace. C'est bien peu de choses par rapport aux désastres qui sont encore à l'œuvre. À Roubaix. Sur Roubaix, alors, donc on est des habitués des casserolades à Roubaix. C'est pas seulement quand le président nous parle, c'est aussi par rapport à, bon, disons, aux difficultés rencontrées par l'équipe municipale dirigeante. Oui. Ça a son sens à Roubaix. Donc, la prochaine aura lieu ce lundi 22 mai devant l'hôtel de ville, toujours à 20h. Généralement, c'est joyeux, ça se passe bien, gens se défoulent. Et puis, l'affiche est engageante. Sur la tête de Darmanin à Pau-à-Moule, un fétou sur la tête de Macron et puis une casserole ordinaire sur la tête de Borne. C'est vrai qu'on a des graphistes assez exceptionnels. Donc, on aura aussi un ciné-débat le 25 mai. Donc, ça s'appelle « Ma mondialisation ». C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. D'accord. C'est un documentaire de Gilles Perret qui met en scène des acteurs du décolletage de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. On a notre assemblée générale donc à Attaque-Roubaix-Tourcoing le 2 juin avec, j'ose pas dire en guest star, mais enfin, on a invité René Dassonville qui est quelqu'un d'Attaque et de Solidaire Finances Publiques qui va nous parler du pognon de dingue dépensé, pas spécialement en minima sociaux comme le disait Macron, mais plutôt en aide aux entreprises et tout ça sans contrepartie. Voilà, donc il se passe des choses à Roubaix, notez-le. Deux conférences débat, peut-être une nouvelle rubrique. Lundi 22 mai à 18h30, organisée par la DMD 59, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, à Sciences Po. Fin de vie, quels enjeux pour une loi de dépénalisation de l'aide médicale à mourir, avec un médecin et une juriste. Un débat animé par Pierre Mathieu, le taulier de Sciences Po. Je rappelle que cette annonce fait aussi suite à ce que nous avons reçu la déléguée départementale dans cette émission. Le 16 juin, de 18h à 20h, pour Politis et Acrimed, organise à l'ESJ un débat sur le thème « Face aux puissants, une presse libre est-elle encore possible ?» avec deux invités, Pauline Perrineau de Dacrimed et auteur d'un livre, et Sébastien Fontenelle. Cette soirée a reçu le soutien d'Attaque, de la LDH et des ALDMD. Que du beau monde. Florent. Oui, on passe à l'agenda militant. Commencer la commune, un bateau ivre, point d'interrogation. Présentation du livre L'ivresse des communards de Mathieu Léonard. La légende noire d'une commune grise semble avoir vécu. Or, en décembre 1871, l'Académie de médecine n'hésitait pas à qualifier l'insurrection de monstrueux accès d'alcoolisme aigu. En réalité, à la fin du XIXe siècle, on observe le discours versaillais se draper d'oripeaux scientistes, amalgam, prolétariat, socialiste, maladie mentale et ivresse en une repoussante allégorie de la Révolution. Et donc, ça sera l'Anamorphose, 40 rue du Lompeau, le mardi 23 mai à 18h, mardi donc. Également mardi, marche au flambeau contre la réforme des retraites en attendant le 6 juin. Maintenant la pression, rendez-vous place de la République le mardi 23 mai, donc à 18h30. Bifurquer dans un habitat écologique léger partagé pour renforcer une économie de l'entraide, ça commence à Roubaix au Tricon. Discussion avec Benji de Notre-Dame-des-Landes, Sophie de Migration, Louise et Vincent de Help au couvent des Clarisses, de rue de Wascal à Roubaix. Ça sera donc le 27 mai à 16h. Une histoire des femmes, les précurseuses. Rencontre avec Justine de France, autrice aux éditions Nouveau Monde de l'ouvrage. Son approche de l'histoire des femmes se fait sous forme de portraits biographiques. Les précurseuses ont été choisies dans des périodes, des aires géographiques et des domaines très divers. Reines, guerrières, artistes, sages-femmes, scientifiques. La rencontre aura lieu le 27 mai à partir de 15h à la médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Édouard de Lesalle. Et donc vous pouvez retrouver ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lille.demosphère.net. J'ai une minute, même pas, pour dire le livre de Bénédicte, « Pourquoi nous voulons tuer Greta ?» est paru et publié chez RS en ce début d'année 2023. Écoute combien ? 20 euros. 20 euros, voilà. Bon week-end à tous, à la prochaine, en juin. I shouldn't be up here. I should be back in school. Side of the ocean. You all come to us young people for hope. For hope. How dare you? We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. and my dreams and my childhood with your empty words. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. In sight. You say you hear us and that you understand the urgency. I say we will never forgive you.